Nous allons poursuivre nos travaux, toujours avec une session qui est consacrée aux études de cas. Et nous allons donc commencer l'après-midi par une présentation qui sera faite par Myriam Ababsa. Donc nous avons un immense plaisir de la recevoir au sein de l'ENS de Lyon, parce que c'est une élève, une ancienne élève en fait de l'ENS Fontenay-Saint-Cloud, donc qui est l'ancienne ENS de Lyon. Myriam Ababsa en fait est géographe de formation. Elle travaille sur les questions urbaines. Elle a beaucoup travaillé sur la Syrie, sur Amman. Elle a publié un livre récemment qui porte sur la ville d'Amman et également sur la ville de Raqqa, qu'elle a pu étudier avant qu'elle soit prise par Daesh, donc après la déclaration du califat en 2014. Et aujourd'hui, elle va nous parler d'une question donc qui porte sur le cas justement de la Jordanie, à savoir l'exclusion des femmes de l'héritage et de la propriété foncière, droits et normes sociales. Donc je lui donne la parole pendant 45 minutes. On attend peut-être l'arrivée du PowerPoint, il est là. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, j'aimerais d'abord commencer par remercier Makram et Reda pour leur invitation. C'est vraiment un honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous présenter donc, cette contribution à l'étude du droit des femmes à la propriété et en pratique à leur application. Donc, je suis géographe et ce qui m'a intéressée, c'est de comprendre comment des pratiques foncières particulières, notamment la vente ou le don aux frères ou aux fils vivants, du propriétaire, ou bien le non-enregistrement des terres, tout cela pouvait avoir une incidence sur la capacité des femmes à hériter. Et je vais à des moments présenter le cadre juridique sunnite de la charia et de ce qu'il propose sur l'héritage donc en Jordanie, mais évidemment, mon apport ne va pas être principalement sur cette dimension. Ce qui va être intéressant, c'est de voir spatialement et économiquement comment cela se manifeste. Donc, en Jordanie, comme dans la plupart des pays du Moyen-Orient, la propriété foncière ainsi que l'héritage sont régis par un système de pouvoir patriarcal particulièrement rigide. Les femmes sont dépendantes de leur père, de leur mari ou de leur frère pour se loger. Ce n'est que depuis mars 2009 que les Jordaniennes ont le droit de choisir le lieu de résidence, c'est-à-dire hors de la maison de leur père ou de leur mari. C'est la réserve de l'article 15.04 selon laquelle la femme doit vivre avec son mari de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de violence contre les femmes, la Convention CEDAW. On peut lancer le chronomètre, oui. Merci. Voilà. Donc, alors que la Constitution garantit aux femmes le droit à la propriété et à l'héritage selon la loi islamique en vigueur, les femmes jordaniennes subissent une grande pression sociale pour renoncer à leur part d'héritage en faveur de leurs frères. Une enquête conduite en 2010 sur un panel de 1500 femmes dans le gouvernorat d'Irbid, au nord du pays, a révélé que seulement le quart des femmes avaient obtenu leur part pleine et entière d'héritage. Terres et appartements, on parle d'héritage foncier, là, je reviendrai sur ça. Et dans un nombre important de cas, les mères, les filles et les sœurs renoncent volontairement à leur part et l'offrent à leurs frères, en recevant au mieux une compensation symbolique. Ainsi, selon les statistiques de la Cour suprême de la charia, le tiers des héritiers a renoncé à ses droits en 2014 en procédant à une exclusion tarabouche. Si le sexe de l'héritier n'est pas précisé, c'est en grande majeure partie le fait de femmes. Et ainsi, la Jordanie présente plusieurs contradictions concernant le statut légal des femmes. La plupart des décisions du code du statut personnel ottoman de 1869 sont encore en vigueur. Les femmes sont des citoyennes de deuxième zone, en ce qu'elles ne peuvent pas transmettre leur citoyenneté. Et la reine, elle-même, depuis 20 ans, essaie de défendre ce droit. Dans le même temps, depuis 2007, des quotas de représentation des femmes au Parlement et dans les conseils municipaux ont été adoptés. 2007, 20% des sièges sont réservés à des femmes dans les conseils municipaux. Désormais, 2013, c'est 25% des sièges. Les femmes des classes supérieures sont présentes dans les médias, dans la vie culturelle, au premier titre d'entre elles, évidemment, les princesses hachémites. Mais aussi des juges, toute une élite militante à laquelle on peut rendre vraiment hommage. Et donc j'ai rencontré une partie pour cette, ce travail qui a été publié dans la revue Hawa, dont je salue Randy de Guilhem, en 2018, et dans un petit rapport de la Banque mondiale sur The Rule of Law in the Middle East, en anglais. En fait, ce que l'on voit, c'est qu'en conséquence de ces pressions, seulement 7% des femmes mariées, ou qui l'ont été, sont propriétaires d'un logement, et 7% également possèdent de la terre en 2012, contre respectivement 60% des hommes qui possèdent un appartement et 51% des hommes qui possèdent de la terre. Quelle est la principale raison? C'est très connu, on en a même parlé ce matin, c'est la volonté que ces terres ne partent pas à la famille du gendre, quand bien même celui-ci serait le cousin germain. Cette volonté se traduit par plusieurs techniques que je vais présenter, notamment le non-enregistrement des biens au cadastre. La loi oblige à enregistrer le lot foncier, mais ça peut être en propriété collective ou chara, sans subdivision. Donc le problème, c'est l'IFRAS, c'est la subdivision. Et en général, les hommes d'une même famille s'entendent pour décider à qui attribuer tel ou tel appartement dans un immeuble. Donc le travail s'appuie sur, exposé sur un travail de terrain conduit à l'automne 2015, dans des quartiers est d'Amman, au sein des bureaux de militants des droits des femmes, à l'Université de Jordanie, Madame Dabadné, Madame Eva Halawe de Mizan, qui défend le droit des femmes, j'en reviendrai, et également le département du cadastre, de Land and Survey, qui m'a fait l'honneur de me permettre de travailler sur leur base de données statistiques. Bon, moi, j'aime bien les chiffres, Asna, donc c'est un biais de géographe, mais j'aime bien, enfin, ils ont essayé d'estimer, d'évaluer un peu de quoi on parle. Après, on quand peut critiquer ces données, quand ça existe, voilà. Bon. Mon exposé portera donc sur un thème qui est assez sous-étudié, non le cadre juridique et son interprétation, ce qu'on a fait avant, mais les structures foncières. Je vais suivre donc le plan, alors vous voyez là le plan, parfait, donc en trois, alors avant je vous ai mis une vue d'Amman, vous voyez un petit peu l'urbanisme d'Amman, on est depuis la citadelle, qui est le centre historique de la ville, donc de fondation de Amman, voilà, et vous voyez, là on est sur des quartiers est d'Amman, bâtis en partie de façon informelle, peuplé de citoyens d'origine palestinienne. Et j'ai mis à côté un graphe qui montre en bleu, c'est toutes les femmes qui ne possèdent pas de logement. Et donc, en fait, on est à plus de 93% sur la moyenne. D'accord. Donc, cinq parties pour cet exposé. La première, alors c'est là où je suis quand même, là j'ai besoin de votre expertise, je vais citer des rapports sur le droit islamique. Donc, si je fais une erreur, vous me corrigez, ce sera voilà. Donc, droit d'héritage, droit coutumier. Le deuxième, une estimation de la propriété des femmes. C'est-à-dire que moi, pendant, j'ai toujours lu des stats qui disaient « Mais non, les femmes possèdent entre 20 et 25% des apparts. » Mais je vais vous montrer qu'en fait, de quoi parle-t-on? On parle des appartements qui ont été enregistrés formellement, qui ont été construits pour être loués. C'est très différent. Ensuite, les techniques, en particulier de non-enregistrement et de vente du vivant. Ensuite, la pression sociale au renoncement, et je vais décrire cette enquête de 2010. Et ensuite, les mobilisations des associations des droits des femmes, parce que ce qui est assez intéressant, j'ai oublié de le dire en introduction, excusez-moi, c'est que la pression qui s'exerce sur les femmes est telle que les militants des droits des femmes sont parvenus à travailler avec le juge de la Cour suprême de la charia pour introduire en 2010 une période de 3 mois de latence après le décès, pendant laquelle nulle transaction ne peut avoir lieu. Et c'est un gain. L'idée, c'est de permettre aux femmes de réfléchir aux conséquences économiques que cela aura d'accepter de renoncer à son bien. Donc c'est le cinquième moment de cet exposé. Donc, comme dans la plupart des pays du Moyen-Orient, l'héritage est régi par le droit du statut personnel, en tout cas, et selon le droit de chaque juridiction religieuse. Il s'agit là d'un héritage du Code ottoman de 1869, le Mejele. Et la loi personnelle est confirmée par l'article 1086 de la loi civile jordanienne et le dernier amendement de la loi provisoire du statut personnel ou bien le code du statut personnel numéro 36 de 2010. Il faudrait, alors je ne vais pas développer, mais vous en avez parlé, Madame Bessis, que le code du statut personnel établit une tutelle masculine sur les femmes, qui s'appelle la Kawama, qui n'a pas été levée encore en Jordanie. Concrètement, ce n'est pas seulement une tradition, elle est inscrite dans la loi. Un parent de sexe masculin a le droit de protéger une femme si elle est célibataire et âgée de moins de 30 ans. Oui, elle a déjà été mariée. Elle doit avoir un tuteur. Et au moment du mariage, cette femme est transférée de la garde de son père à celle de son mari. Et en Jordanie, le droit des femmes au logement continue d'être lié à leur statut d'épouse ou de fille. En cas de décès du père, les frères ont le droit de vendre la maison dans laquelle vivent leur mère et leur sœur. Et par conséquent, le destin de ces femmes dépend de la qualité des relations qu'elles entretiennent avec les membres masculins de leur famille. Et en cas de divorce, une femme n'a droit au logement que si elle allait ou elle a la garde des enfants, pour prendre les travaux de Madame El-Husseini. Donc, alors de quoi parle-t-on ? Donc ça c'est connu, mais concrètement, c'est la loi islamique, tradition sunnite qui est en vigueur en Jordanie. Une femme reçoit la moitié de la part de son frère, le quart des biens de son mari si une veuve n'a pas eu d'enfant, et le huitième si elle a eu des enfants. Dans le détail, on peut regarder, on vous explique suivant que quelle est la part des parents. Les parents, père et mère, reçoivent un sixième des biens s'ils sont encore vivants, donc des grands-parents s'ils survivent, s'ils sont survivants. Si le défunt n'a pas d'enfant, le père reçoit 2/3 du bien et sa mère 1/3. Si le défunt a 2 ou plus frères et sœurs, le père reçoit 5/6 et la mère 1/6. Ensuite, la part du mari, donc ça c'est assez connu. Donc voilà, la part du mari. Si l'épouse meurt et ne laisse pas d'enfant, le mari reçoit la moitié des biens. Si l'épouse meurt et laisse des enfants, le mari reçoit le quart des biens. La part de l'épouse ou des épouses. Si plus d'une épouse, parce que la polygamie est permise en Jordanie, si plus d'une épouse survit à son mari, chacun a le droit à la même part des biens suivants. Donc, je ne vais pas développer, vous voyez ce qui est intéressant. Dans tous les cas, les veuves reçoivent le huitième des biens, et c'est toujours signalé que c'est considérable. Enfin, les Jordaniens à qui j'ai parlé me disent que c'est considérable quand même, c'est un huitième des biens qui revient aux veuves. Les parents, 1/6 chacun, et les enfants, ceux qui restent, avec la règle selon laquelle le garçon reçoit 2 fois la part de la fille. J'aimerais noter que ces problèmes d'héritage portent sur les biens fonciers et immobiliers, mais pas sur les biens financiers. Pour ce qui est d'Amwal Nagdiya, l'argent, les actions, les parts de société, ces derniers sont transmis en main propre, sous la forme de chèques, en leur nom, qui est établi par chaque tribunal religieux. Alors, les femmes peuvent subir tout de même une pression sociale, qui sont également invitées à céder une part de leur héritage pécunier à leurs frères. Mais elles ont un contrôle, parce que c'est un chèque qui est mis en leur nom et qu'elles doivent aller chercher en personne, même si elles sont souffrantes sur un brancard. On ne peut pas le remettre, on ne peut pas le prendre pour vous, en fait. Ainsi, 22,5% des biens financiers par l'entreprise Stock Option sont possédés par des femmes. Dans le détail, je n'ai pas développé sur ça, ce n'est pas exposé, mais dans le détail, quand on parle un petit peu aux femmes d'affaires, elles sont obligées parfois de signer un contrat devant avocat disant qu'elles possèdent ces biens, mais elles ne peuvent pas les vendre et elles ne peuvent pas en disposer comme elles le souhaitent pour modifier les équilibres dans une entreprise. Bon, ça, c'est autre chose, ce n'est pas ce dont je parle. Donc, ce que j'aimerais mentionner, c'est comment on va parler d'argent, on va parler également de l'importance de la valeur et du cadre légal, l'importance de la valeur de la terre et la façon dont le foncier est devenu un enjeu en Jordanie, mais c'est pas seulement en Jordanie, c'est pour les pays du Moyen-Orient que je connais bien, c'est-à-dire qu'on a plusieurs éléments qui sont intéressants. On a à la fois un énorme phénomène de spéculation foncière sur les terres depuis les années 70 qui est lié à deux phénomènes, qui est lié à un phénomène d'urbanisation croissante, d'absence de taxation sur les terres vacantes au sein des villes. Les terres qui sont loties, servies par des services, ne sont pas taxées quand elles sont gardées pour un objectif de spéculation. Il n'y a pas de taxation non plus des profits faits à la vente d'un bien. Quand vous intégrez un terrain rural au sein d'une limite municipale, vous faites un profit qui peut être de 10 à 50 fois le prix de la terre, évidemment, entre une terre non constructible et une terre constructible, mais il n'y a aucune taxation. Et je pense intéressant de rappeler que, de nouveau, pour le foncier, il y a, comme vous le voyez, donc bon, vous connaissez évidemment le code ottoman de 1858, qui classe les terres en 5 catégories. À l'intérieur des villes, c'est moulk pleine, plein et entière, ainsi que pour les vergers. Et les terres pastorales et les terres agricoles périphériques sont... les terres pastorales sont en mairie, d'accord, les terres du domaine d'État. Et ce qui est intéressant, c'est que sur les terres mairies, jusqu'en 1991, la l'arrivée donc des frères musulmans au Parlement, l'héritage de ces terres se faisait à part égale entre hommes et femmes. On n'était pas soumis à la charia. Donc, je vais donc présenter. Alors voilà une petite carte de géographie qui vous présente donc ce pays. Vous voyez la concentration de la population se fait, les terres utiles se fait sur une bande qui occupe 10% du territoire. Après, on est sur des zones donc plus semi-arides et arides. On a des hauts plateaux et ensuite la vallée du Jourdain qui sont les lieux de concentration de la population. Et plus de 88% de la population est citadine en Jordanie, concentrée, donc on est un pays de 10 millions d'habitants, concentrée pour 5 millions autour de Amman ou Saïfa Zarqa. D'accord ? Grosse ville, voilà. Et en périphérie de ces villes, des terres, mairies, qui ont à plusieurs reprises, donc vous avez en 1953 par exemple, avec l'arrivée des réfugiés palestiniens dans ces villes et le doublement des superficies des villes, il y a eu extension des limites municipales et à partir de ce moment-là, les terres qui devaient être aux femmes, alors à la fois les terres ont pris de la valeur parce qu'elles étaient devenues, elles sont devenues urbaines, mais en même temps, le moulk, elles sont devenues moulk et donc les femmes du coup, n'ont pas pu en hériter des biens comme elles le faisaient quand elles étaient en système mairie, en fait. Il y a une spécificité également de... alors voilà, donc, à partir de 70, grande... Donc, je vais citer l'historien Raouf Abou Jaber, donc grand historien de la Jordanie, grande famille chrétienne. Jusqu'à dans les années 70, les terres agricoles avaient assez peu de valeur. Et ce n'est qu'à partir du boom pétrolier et de la migration d'ingénieurs jordaniens vers le Golfe que d'importants afflux d'argent ont commencé à entrer dans le pays. Et la construction d'un aéroport moderne en 1978 au sud d'Amman a eu également une influence majeure sur le changement de situation des sols et sur les modèles économiques qui ont permis à la Jordanie de passer d'une économie reposant sur les cultures sèche, blé, orge, à une économie agricole utilisant des serres pour cultiver les légumes destinés à exporter dans le Golfe. Donc ça, c'est une... voilà. Concrètement, entre 2000 et 2015, les prix du terrain au sud d'Amman, par exemple, sont passés de 20 000 dinars, 20 000 dinars, ça fait à peu près 26 000 euros le donum, c'est 1 000 mètres carrés, à plus de 100 000. On parle de plus de 130 000 euros le mètre carré. On parle des 1 000 mètres carrés. Donc on parle d'enjeux financiers très considérables. N'est-ce pas ? Donc quand on parle de ne pas laisser des bonnes femmes hériter de ça, on parle de centaines de milliers d'euros. Ce ne sont pas des petits lopins de terre. Donc il y a une dimension économique très importante. La Jordanie est un pays de propriétaires terriens. 73% des ménages sont propriétaires de leur maison et de leur appartement. Seulement 23% les plus pauvres sont locataires. D'accord ? Et j'aimerais, alors je reprends mes notes que je lis maintenant. Jusqu'en 1991, les terres du domaine d'État, utilisées par les bergers pour faire paître les troupeaux et par les villageois, les terres mairies, dépendaient du droit coutumier. Selon le droit coutumier, l'État concédait un droit d'usage, tasarruf, de ces terres, qui était hérité à part égale par les femmes. À la faveur de la présence au Parlement après les élections de 1989 des frères musulmans, qui avaient remporté le tiers des sièges, ils ont fait porter plusieurs lois conservatrices, dont la loi de transfert de la propriété canonale intégrale numéro 4 de 91. Celle-ci étant les règles de la charia à l'ensemble de la législation sur la succession des biens fonciers. Les conséquences économiques furent importantes pour ces terres situées en périphérie urbaine où la spéculation foncière est justement importante. Il y a une spécificité qui est peu connue également, c'est que les chrétiens, qui forment moins de 3% de la population de la Jordanie, ont décidé d'appliquer eux aussi les procédures musulmanes d'héritage pour les terres, pour le foncier et les appartements. Les chrétiens jouent un rôle de premier plan dans l'édification de la nation jordanienne. Ils ont 9 places au Parlement. De grandes familles qui sont arrivées, familles chrétiennes de Palestine, ont construit l'émirat transjordanie à partir des années 1820. Donc ils sont arrivés dans les années 1830-1850, depuis Jérusalem, depuis Naplouse, donc arrivés en Transjordanie. Et ce qui est assez incroyable, c'est que des grandes familles, donc Abou Jaber, Karwar, ces grandes familles chrétiennes, qui sont de très grands propriétaires fonciers, partagent en fait les mêmes normes sociales que les autres Jordaniens, musulmans, concernant l'héritage. Et encore mieux, ils dépossèdent totalement leur fille d'héritage. Et comme a dit un juge de la charia, s'il n'y avait pas la charia, aucune chrétienne ne pourrait hériter de toute façon. Et même en Jordanie, sans la charia, personne n'hériterait. Aucune femme. Ça a été confirmé par Abu Jaber, je vous donnerai des exemples. Donc, voilà ce contexte très particulier concernant le foncier. Maintenant, de quoi parle-t-on? Quelle est cette propriété des femmes? Ah oui, donc là, bon, je mets un petit peu de photos pour vous montrer un peu la beauté des paysages. Là, on a une vue depuis en bas du Mont des Beaux, on voit la mer morte au fond, on voit la Palestine au fond. Et on voit donc la répartition. Donc vous avez un pays de 90 000 km², vous avez des terres agricoles qui ont été enregistrées au cadastre, vous en avez 76% qui sont en moulk, donc 10 000 km², et 1,1 qui sont en mairie, 24%. Que s'est-il passé? Cette année, année 2018, août 2018, donc j'invite, vous avez des étudiants qui veulent travailler sur ça, nouvelle introduction qui a été apportée, le mairie a été supprimé. C'est un truc incroyable. Tout est moulk désormais. C'est le domaine public, c'est ça? Oui, ouais, tout est moulk désormais. Tous ces lots maintenant, ils sont moulk. Je trouve ça assez incroyable. Et il y a très peu de travaux sur ça, donc ça a des répercussions, je pense, foncières très importantes. Donc, deuxième partie de mon exposé. Quelle est la situation donc de la propriété? Alors, excusez-moi parce que j'ai utilisé des graphes qui sont en anglais parce que les publications en Jordanie sont en anglais la plupart du temps. Donc voilà. Il y a une autre spécificité jordanienne, c'est que la Jordanie a, avec le Yémen, le record mondial de faible participation au secteur formel d'activité des femmes. On est, selon les années, entre 14 et 16% des femmes qui ont un salaire, qui sont salariés, qui participent à l'économie. Et la Jordanie, du fait de ce chiffre très bas, arrive à 39% de contribution des actifs à l'économie. Seulement 39% avec un salaire. Évidemment, il y a tout le secteur informel qui n'est pas comptabilisé. J'avance un petit peu. Il faut également introduire une dimension de classe. On peut regarder par les déciles, par les revenus par décile. Vous voyez que les familles des premiers, deuxièmes déciles, donc qui sont dont les revenus sont les plus bas, sont dans le système de l'allocation, ne sont pas propriétaires. Et plus on monte dans les déciles élevés, plus on est propriétaire. Donc 86% sont propriétaires. Dans le 9e décile et donc de revenus. Et moi, j'étais partie de cette idée, je lisais toujours, 20% des appartements sont possédés par des femmes. Et en fait, j'ai vraiment travaillé avec le département statistique et pour vraiment déconstruire cela. Et en fait, je suis allée voir donc le centre du département d'Open Land Survey, le cadastre, et on a travaillé avec le responsable du IT, là, des données électroniques. Et en fait, en 2014, 24% des appartements, 24,7% des appartements, sont enregistrés au nom de femmes. Puis, 5,3% sont en propriété partagée, ou shara, entre le mari et la femme. Et 70% des appartements appartiennent à des hommes. Mais, si on regarde en détail, ce stock d'appartements, donc j'ai comparé ensuite ce stock d'appartements à l'ensemble des appartements. Voilà. Donc ici, en revanche, ce qui est dominant en Jordanie, c'est que la plupart de la construction se fait de façon informelle. Donc il n'y a pas d'enregistrement, ni avant permission ils ne prennent pas avant. Et donc là, vous avez par exemple une distribution de tous les permis, toutes les unités qui ont été... Donc, entre les deux recensements 2004-2015, par gouvernorat de Jordanie, et vous voyez, bon, évidemment, vous voyez tout de suite l'importance d'Aman, hein, qui, je l'ai dit, concentre une macrocéphalie, concentre la moitié de la population du pays, et vous voyez en fait que 37% des appartements construits à Aman pendant ces 11 années ont été faits sans permis, alors que le contrôle, justement, encore plus grand à Aman. Et si vous prenez en détail, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé le total des unités construites entre 2004 et 2015 comparées au total des unités qui ont été construites avec permis. Et que voit-on? on voit en fait que si on prend par exemple les gouvernorats, à part Amman, 50% des logements ont été construits sans avoir de permis préalable, parce qu'en fait il y a des taxes à payer en fonction de la superficie du logement que vous construisez. Et en fait, ceux qui ont été construits avec taxes, c'est ceux qui ont été construits de façon formelle par des promoteurs immobiliers qui ont obligation de passer et de s'enregistrer. Et tout ce qui est autoconstruit est construit sans permis. En particulier les 3e, 4e étages, justement ces appartements qui, en plus par loi, n'ont pas besoin d'être enregistrés et donc qui échappent justement à l'héritage possible par les femmes. Donc ainsi, vous avez 1 million d'unités, 1 million d'appartements qui ont été construits entre 2004 et 2015. Donc on avait 1 million d'appartements en Jordanie, on est passé à 2 millions d'unités de logement. Et seulement 432 000 ont un permis. Alors attention, il y a deux types de permis. Il y a aussi la possibilité de régulariser après construction. Et donc je vous ai mis les chiffres là. Parce que quand vous régularisez après construction, les taxes sont réduites de moitié. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est de voir quelles sont les autres techniques. Donc on a vu, absence de division. Une autre technique pour être sûr que les femmes n'habitent pas, c'est de donner du vivant, si on n'a que des filles, à ses frères, ou si on a un fils, faire en sorte de lui donner tout de suite les biens pour être sûr qu'il n'y ait pas de division. Et la loi ne permet pas de faire un don. On doit vendre, même si c'est à zéro, mais on doit normalement faire une demande au cadastre et payer. Et si vous payez, si vous vendez à vos proches, c'est-à-dire vos parents, vos frères, vos enfants, votre femme, vous ne payez que 1% de taxes sur l'estimation du bien par le département du cadastre. Si vous vendez à quelque chose qui n'est pas de votre famille, c'est 9%. Donc, je suis allée voir le cadastre et ils ont accepté d'extraire pour moi. On a fait une requête, justement, statistique, et on a dit, sortez-moi toutes les ventes par gouvernorat en 10 ans qui ont été faites entre les membres d'une même famille et avec des acheteurs qui n'étaient pas membres de la même famille. Et donc, c'est ce résultat que l'on voit ici. Donc, je vais le commenter. En fait, ce dont on se rencontre, c'est que entre 2000, on va commencer par regarder le tableau du haut, donc qui décrit l'évolution des ventes de terres en Jordanie entre 2005 et 2014. Donc les ventes entre Mushtarak, les gens qui sont copropriétaires dans l'eau, on est passé de 2,8% à 5,9%. Ensuite, les ventes au sein de la même famille, au Soul Fourho, on est passé de 23,3% à 37%. C'est assez considérable quand même. Le tiers des ventes de terrain se fait au sein des membres de la même famille très proche. Et les ventes normales ne sont que 60%. Maintenant, si on regarde maintenant les appartements enregistrés, évidemment, on a des chiffres qui sont également en hausse. On se rend compte qu'on est passé de 11% des ventes entre membres de la même famille à 15% entre 2005 et 2014. Donc, c'est une façon d'estimer ce qui arrive au stock immobilier avant décès, en fait, pour voir ce qui est possible que les femmes héritent, les quantités, en fait. Donc, on voit donc, déjà ce premier élément. Maintenant, on va décrire ce qui est plus anthropologique, c'est la pression que ces femmes subissent. Voilà, l'absence de division, je l'ai dit peut-être. Donc, une autre raison qui fait que les femmes ont du mal à hériter, la deuxième technique utilisée pour priver les femmes de leur part d'héritage, consiste à prolonger le temps nécessaire pour diviser, subdiviser la terre du défunt. Cela permet aux enfants du sexe masculin d'organiser des moyens pour contraindre les femmes à rejeter leur part d'héritage en offrant une indemnisation inférieure à la valeur des actions de la femme dans la propriété. En 2010, le Forum national jordanien pour les femmes a mené une grande enquête avec Oxfam sur les pratiques des femmes en matière d'héritage dans le gouvernorat d'Irbid. Ça s'appelle « Un œil sur leurs droits », »,« Aïn al-Hukouk ». Et le panel a été constitué de 1372 femmes âgées de 25 à 50 ans, toutes dans le gouvernorat d'Irbid, au nord du pays. Et l'enquête a révélé que 34% des femmes résidant dans le gouvernorat d'Irbid ne bénéficiaient pas de leurs droits légaux en matière d'héritage, en raison de l'absence de subdivision des terres. Plus la division de l'héritage est retardée, plus il est probable qu'une femme soit privée de ses droits. Le statu quo après le décès d'un propriétaire de domaine est bien établi en matière de terres agricoles, et plusieurs Jordaniens ont encore des biens qui appartenaient à leur grand-père qui n'ont jamais été subdivisés pour éviter de payer des taxes, quelles qu'elles soient. Donc, le renoncement volontaire, le tacharouche. Donc, on a vu deux techniques. La première technique, c'était de ne pas enregistrer les biens. La deuxième, de vendre et de ne pas subdiviser. La deuxième, c'est de vendre du vivant. Et la troisième, c'est la coercition, c'est d'impressionner les femmes en leur demandant d'être shéra, d'être noble et de renoncer à leurs biens pour leurs frères. C'est ça. Donc, cette enquête monte, toujours la même enquête que je cite, 2010, pour donc, l'enquête pour le Forum jordanien pour les femmes, 20% avaient renoncé à leur part d'héritage, donc 15% de leur plein gré, sans être influencés ni par leur mère, ni par leur père, ni par leur frère. Et ces femmes, tant chrétiennes que musulmanes, ont intériorisé la croyance selon laquelle hériter signifie priver leur frère du bien de leur père. Et elles défendent ainsi les privilèges des hommes en matière d'héritage. Le problème aussi, c'est que si les femmes refusent, elles sont menacées d'abandon et d'ostracisme. Et dans les cas les plus extrêmes qui m'ont été donnés par donc justement Eva Habolaoué, des cas de violence physique. Et Madame Eva Habolaoué, qui est donc une avocate qui a fondé Mizan avec Asma Khadr, m'explique que derrière les cas de crimes d'honneur en Jordanie, il y a souvent des problèmes fonciers et d'argent. Et ce ne sont pas seulement, ils peuvent être camouflés par des problèmes de mœurs, mais que la plupart du temps, c'est des problèmes économiques beaucoup plus graves et des raisons beaucoup plus graves. Alors, moi, je trouve ça intéressant de donner le détail, en fait, du comportement. Par exemple... Il y a un article très intéressant en arabe qui parle de ce sujet. Évidemment, c'est un sujet de débat dans la société. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup de littérature, beaucoup d'articles donc sur ce sujet hein, en Jordanie. Et vous avez par exemple Fimahaba Firida, Fikkuwa, tu donneras ton frère. Quoi. Donc à la force, à l'amour, par amour, par force, par contrainte, par incitation, tu donneras à ton frère. Honte à toi, pourquoi prends-tu à ton frère son héritage Et l'enquête montre que... Alors, je vous disais que 34% des femmes seulement... 26% des femmes en tout ont bénéficié de leur héritage en totalité. 26% seulement. Le deuil est exploité pour contraindre les femmes à renoncer à leur droit de succession. La moitié des femmes, 52%, qui ont revendiqué leur droit de succession dans les villes et les villages du gouvernorat d'Irbid, ont fait face à une opposition des membres de leur famille. Pour 44%, cette opposition venait de leurs frères. 22% a dit que c'était leur mère qui était la source d'opposition, et 16% ont affirmé que leur père avait stipulé les modalités de répartition de l'héritage avant son décès, et que dans ce cadre, la fille ne devait pas recevoir de biens. La recherche montre que les jeunes femmes réussissent mieux à accéder à tous leurs droits en matière de succession que les femmes âgées. Ainsi, les femmes qui ont reçu leur héritage complet et qui étaient âgées entre 45 et 50 ans n'étaient que de 18%, alors que les femmes entre 25 et 29 ans étaient plus enclines à recevoir, à se défendre pour hériter. Les femmes qui ne sont pas actives dans l'économie, évidemment, sont moins à même de se défendre. Et le statut marital influe sur la probabilité de recevoir tous ces droits en matière d'héritage. Ainsi, les femmes célibataires étaient 38% des femmes qui ont obtenu tous leurs droits de succession. Et parmi celles qui ont obtenu tous leurs droits, seulement 24% étaient mariées. Ça, c'est intéressant. J'ai après lu, je voulais comprendre ce qui se passe. Je vous dis, il y a beaucoup de rapports sur ces questions d'héritage et de pression sur les femmes. Et il y a notamment eu une enquête approfondie conduite par des chercheurs. La Banque mondiale a fait une enquête en 2013 sur les actions en justice pour le code du personnel que les femmes faisaient, hommes et femmes, en Jordanie. Donc c'est un rapport prédictif, vous le trouvez en ligne, en 2013. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que lorsqu'une femme choisit d'aller au tribunal, elle doit disposer d'actifs financiers car les frais de justice peuvent atteindre 8% de la demande. Donc déjà, première chose. D'autre part, les femmes doivent être soutenues par leurs proches. Bon, on l'a dit, il faut deux femmes, donc il faut déjà avoir une deuxième femme qui vient avec vous pour justifier. Voilà. Et d'autre part, il est montré que les hommes qui travaillent ont d'autres façons de résoudre des problèmes d'accès à la propriété. Et j'aimerais dire que on parle beaucoup des femmes là, mais on devrait aussi penser aux fils cadets, parce qu'on pourrait faire une étude similaire qui n'a pas été faite sur la façon dont les fils cadets sont également exclus et peuvent également, sous les mêmes conditions, ne pas recevoir du bien qui leur est dû. Ça, on n'est pas d'enquête sur ça. Près de 40% des hommes signalent que les différends sont résolus à l'amiable, alors que seulement 30% des femmes sont arrivées à résoudre à l'amiable les problèmes concernant... Donc je peux donner des exemples. Hein. Une femme éduquée de El-Hissa, que j'ai rencontrée, a été ostracisée par ses 6 frères lorsqu'elle a décidé de convaincre ses 5 sœurs de défendre leurs droits de succession après le décès de leur père en 2014. Le fils aîné a voulu vendre la maison où vivait leur mère, alors que son père avait pourtant construit une maison pour chacun des fils. La mère était trop intimidée pour répondre à son fils, hein, qu'elle préférait rester chez elle plutôt que de vivre chez une de ses belles-filles. Et la fille a continué de porter, mais elle est en réponse aux actions de la fille, la mère l'a appelée pour la remercier et lui confirmer son soutien, mais la mère confirme son soutien à sa fille, mais pas devant son fils. Elle n'a pas la force de le faire devant son fils. Bon, j'ai plein d'exemples. Donc voilà. Moi, ce que je vois, c'est que, en raison de leur manque d'indépendance économique, les Jordaniennes divorcées ou veuves sont dans une situation quasiment désespérée si elles n'ont aucun soutien familial ou si elles ont été ostracisées. Ainsi, en 2012, la moitié des femmes divorcées devaient travailler. Et les deux tiers des veuves n'avaient pas d'autre solution que de travailler. Et en fait, elles ne bénéficiaient pas d'assez de soutien des membres mâles de leur famille qui étaient eux-mêmes très pauvres. Et à l'inverse, les femmes divorcées ou veuves sont à la tête de 85% des ménages pauvres dirigés par une femme, alors que seulement 0,6% des ménages pauvres sont dirigés par des hommes divorcés ou veufs. Donc c'est quand même une grande inégalité. Donc dernier point, alors oui, donc je vous montre aussi, ça c'est un document qui est assez intéressant. Donc entre 2009 et 2014, c'est les cas d'héritage. Donc vous voyez, par exemple, en 2009, il y a 13 000 cas d'héritage. Et sur ces 13 000 cas d'héritage, il y a eu 5300 cas de waliyat ou wisa'at, donc des legs directs ou une incapacité, donc des femmes qui renoncent parce qu'elles sont handicapées. Ensuite, 7212 wakalat, donc on fait signer aux bonnes femmes des procurations. Et l'exclusion, c'est 3900 cas. Donc c'est quand même un quart des cas. C'est quand même assez considérable. Et on regarde en 2014, vous avez 17 000 cas d'héritage, 17 000 dossiers d'héritage qui se traduisent par 4700 tarharouches. Donc une partie, comme on l'a vu, est volontaire. Donc c'est quand même un phénomène, ça fait presque un tiers des cas, quand même. Donc, voilà. Donc, je vais amuser à regarder. Donc, après, j'ai des cas. Donc je vais prendre le dernier point, c'est que la mobilisation des associations des droits des femmes. Donc les militantes des droits des femmes, en particulier la Commission nationale pour les femmes, le Forum jordanien pour les femmes et l'organisation non gouvernementale juridique MISAN se sont saisies de la question en 2010. En travaillant avec la Cour suprême de la charia, elles sont parvenues à introduire 2 articles qui stipulent une période de 3 mois de latence après décès pendant lesquels aucune procuration ni aucune exclusion ne peut être enregistrée. Donc les articles 318 et 319 du Code du statut personnel numéro 36 2010. Est toujours en vigueur. Cette période de 3 mois offre aux femmes la possibilité de se défendre et de réfléchir aux conséquences économiques d'un renoncement. Les juges insistent sur l'éducation des filles afin qu'elles puissent défendre leurs droits. Le quatrième amendement, il y avait sept amendements, stipule que l'avocat a obligation d'informer les héritiers de l'ensemble des biens à hériter. La commission a également, la Commission nationale jordanienne pour les femmes réclame également désormais de réguler un cas de divorce très particulier qui s'appelle le divorce Farah, qui permet au mari agonisant de priver sa femme de son héritage sur le lit de mort. Et les militants des droits des femmes veulent permettre à la veuve d'hériter quand bien même le mari a prononcé un divorce Farah sur son lit de mort. Également, ces militants demandent aux femmes de signer un contrat de mariage. Elles ne l'ont pas toutes. Et de leur rappeler qu'en cas de décès, elles ont le droit de réclamer la deuxième moitié de leur dot et que cette deuxième moitié de leur dot est prioritaire à tout héritage. Parce que la dot est livrée en deux temps, en deux moitiés. Ensuite, l'une des recommandations de la Commission nationale jordanienne pour les femmes est de modifier l'article 279 de loi provisoire relative au statut personnel afin d'octroyer aux enfants d'une fille décédée le droit au testament prescrit accordé aux enfants d'un fils décédé. C'est-à-dire que si les enfants d'un fils qui meurt ont le droit d'hériter, les enfants d'une fille qui meurt ne peuvent pas bénéficier de la part de la fille. Donc c'est un problème majeur, car non seulement ces femmes n'héritent pas, elles sont mortes, mais leurs enfants également sont privés de tout héritage. Donc, en conclusion, en Jordanie, la propriété est un domaine masculin et tout est fait pour que les maris n'héritent pas de leur beau-père via leurs épouses. Du fait d'une culture politique très conservatrice, les militants du droit des femmes ne peuvent que demander une meilleure application de la charia et en discuter les termes. Et paradoxalement, que voit-on ? On voit que le conservatisme de plus en plus grand de la société conduit les pères à appliquer la volonté de Dieu telle qu'inscrite dans la charia. C'est paradoxal. Donc plus ils sont conservateurs, plus ils se disent « Ah ben non, j'aurais dû quand même donner des biens à ma fille. » L'exclusion des femmes de la propriété constitue ainsi l'un des plafonds de verre qui entrave l'intégration des femmes à l'économie. Ainsi, la Jordanie est le 120e pays sur 134 pour ce qui est des écarts juridiques et économiques entre hommes et femmes si on prend le World Economic Report on Gender Gaps 2013. Et ce que je voulais montrer, c'est... J'ai commencé à faire une comparaison de la situation dans d'autres pays de la région, mais je prends juste un pays parce qu'il est quand même assez emblématique, c'est la Turquie. Parce que la Turquie, donc, a décidé, donc, la loi séculaire de l'héritage est basée sur le code civil suisse qui a été adapté par Atatürk en 1926, qui stipule l'égalité entre hommes et femmes. Mais dans les faits, il faut distinguer les espaces urbains des espaces ruraux. Et dans les espaces ruraux, il faut distinguer les régions de Turquie. Et en particulier, on retrouve la même chose. 30% des femmes dont les parents meurent sont invitées à renoncer à leurs biens en faveur de leurs frères, en Turquie aussi, alors que depuis 1926, elles ont le droit à leur part égale. C'est particulièrement le cas dans l'Est et dans le Sud-Est du pays, dans les zones kurdes. Donc voilà, je vous remercie.